De votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. Quelle est l'identité de genre d'une personne? Exactement. Comment se siente? ¿Y qué? ¿Por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer? ¿Por eso? No sé qué. Es imposible disociar nuestra identidad y nuestro el cuerpo para nosotras es una herramienta de lucha. Dans un corps sain. Au bord des corps. Hello les auditrices. Donc après le dernier épisode qui situait un peu mon expérience personnelle et ma parole sur troubles psy et militantisme, je voudrais maintenant qu'on cherche ensemble des pistes de réflexion pour s'articuler sur le plan communautaire, gérer les conflits, les agressions et prendre soin les uns des autres. Suite à cette mise en garde, notamment face à la tentation d'ériger les neuroatypies et troubles psy en nouveaux systèmes prioritaires, voire totalisant de jugement des actions des uns et des autres, je souhaiterais que nous allions voir d'un peu plus près les différentes pistes d'articulation de nos relations sociales, pensées par des militantes anarchistes et queer, sensibles aux mêmes problématiques que celles que j'ai exposées dans mes podcasts, et notamment dans ce cycle. Ne pas vivre seul, on vit avec un chien, on vit avec des roses ou avec une croix. Pour ne pas vivre seul, on se fait du cinéma, on aime un souvenir, une ombre, n'importe quoi. Pour ne pas vivre seul, on vit pour le printemps. Et quand le printemps meurt, pour le prochain printemps, pour ne pas vivre seul, je t'aime et je t'attends, pour avoir l'illusion de ne pas vivre seul, de ne pas vivre seul. Donc en principale base de cette recherche, il y a l'ouvrage « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman et également « Paillettes toxiques et sérum fi », également sur les relations intracommunautaires queer. Et je me suis aussi pas mal basée sur « Comment c'est à s'organiser » de Starhawk. Et après, vous verrez, il y a des références à différents auteuristes qui peuvent se greffer. Après, j'ai écouté beaucoup de podcasts aussi, ou lu des zines sur Zinzinzine ou Infokiosque. Il y en a un notamment qui s'appelle « Comment être une alliée pour les personnes handicapées et neurodiverses dans les communautés militantes et universitaires ». Et j'aimerais commencer par là, du coup, puisque ça liste quelques pistes, donc qui est de tout d'abord penser l'accessibilité de nos milieux dans l'ensemble de ces supports, de ces relations, ne jamais partir du principe que quelque chose est acquis par et pour tout le monde. Ensuite, conscientiser et nommer ensemble les privilèges de chacun et une, en les rattachant à un contexte, en faisant la différence entre le pouvoir social et le pouvoir coercitif, justement. Donc ça, c'est une dimension qu'apporte Starhawk. Donc le pouvoir social étant celui de l'empouvoirment, celui qu'on a acquis justement par nos stratégies d'adaptation, etc., et qui nous permet de nous émanciper, alors que le pouvoir coercitif, c'est le pouvoir qu'on exerce sur, au détriment, ou voire carrément en exploitant d'autres personnes. Donc c'est important de pouvoir circonstancier ces différences-là pour pouvoir savoir aussi quel pouvoir est puissance et donc positif et quelles sont les choses sur lesquelles on a à travailler en termes de privilèges. Après, garder à l'esprit aussi que les déviances vis-à-vis des normes et les souffrances qu'elles peuvent entraîner dépendent elles aussi de la société. Les normes et donc leurs déviances ne sont pas les mêmes selon les cultures et les époques. Dans la lignée, continuer à être vigilante vis-à-vis des stéréotypes et également des blagues sur les comportements, ne pas présumer, discréditer la parole et la conscientisation de telle personne sous prétexte qu'elle est dans une phase particulière, exemple de la phase maniaque chez de nombreuses personnes, ou encore parce qu'elle aurait consommé telle ou telle substance. Donc ça, on le retrouve beaucoup dans les soirées où on va se moquer ou discréditer quelqu'un, une qui a un comportement un peu par exemple, très extraverti, en mettant ça sur le compte des substances et du coup en discréditant totalement ce que cette personne dit et est, et qui est très stigmatisant et essentialisant aussi à cet instant, et infantilisant, ouais. Donc voilà, tout ça, c'est aussi des choses qui découlent du dernier épisode qui invitait à recomplexifier un peu toutes nos pensées. Donc pareil, éviter les questions « qu'est-ce que tu fais de ta journée ?» ou en termes de travail rémunéré. Parce que bah, quand on est personne handie, une bonne partie de nos journées, de notre travail consiste à lutter contre nos douleurs, nos troubles et l'inadaptation de celles-ci à l'environnement dans lequel on est forcé à vivre. Ensuite, c'est important aussi de déconstruire nos désirs et nos goûts, de ce qui nous plaît ou nous répulse a priori chez une personne. Là, je vous invite à aller écouter les podcasts Impatienteux et le podcast Mortel aussi, pour parler des sujets tabous que sont la mort, et donc faire face à ça, et aussi le cancer pour Impatiente. Et de manière générale, oui, voilà, voir la différence entre des goûts et des fétiches qu'on survalorise ou qui directement nous répugnerait ou serait pour nous des limites. Voilà, re-questionner nos limites par rapport à la prise en compte des autres personnes, des autres capacités, des autres fonctionnements différents des nôtres, et de voir si on ne peut pas bouger ces limites-là. Et donc ensuite, on découle aussi de tout ça, bah, pour bien prendre en compte l'axe de neuroatypie et de militantisme, il faut faire gaffe au féminisme du ressenti et à la théorie du pouvoir pour tout et partout, et remettre de la complexité là-dedans, en sachant que voilà, c'est ne pas attribuer toute croyance à une personne qui se dit victime de quelque chose intra-milieu queer, parce qu'on n'est pas dans les relations cis-hétéro, qu'il y a les troubles psy qui interviennent et plein d'autres formes d'oppression, et que c'est ça la véritable intersectionnalité, du coup. Cuido mis alas porque hay días en que parecen tan frágiles como el papel. Solo el amor consigue hacerlas fuertes. Romperé lo que me ate para volar y recibir la luz del sol cuando sale. Cuando sale. Y soltaré lo que me duele dando voz a todo el miedo, porque sacarlo de la sombra es la única manera de hacerlo pequeño. Por las que no cierran los ojos y deciden hacer caso a lo que asusta, aunque la mirada escuece, aunque la mirada escuece. Aprenderé a quererme, aprenderé a mirar de frente a la tristeza cuando venga disfrazada de una rabia sorda y ciega. Aprenderé a sacar también la pena, pa' que no me pudre, y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Y me haré fuerte convirtiéndola en motor para el camino que me queda. Las heridas solo sanan con amor y digna rabia. Habrá que abrir con una ganzúa la costumbre de esconder las lágrimas y todo lo que arrastran. Habrá que aprender a soltar a viva voz y con la cara mojada. Ya no quiero andar siempre con mi máscara de hierro. Me enseñaron a llevarla contra todo lo que falta, pero no me deja verme, no me deja verte. Tantas veces es un nudo que rodea mi garganta, ya me falta el aire, hace tiempo que me falta. Dans tous les cas, ce que j'ai essayé de faire, c'est de répertorier quelques pistes qui pourraient aider pour nous méfier de notre lecture militante des choses et nous aiguiller un peu sur le faire communauté. Alors déjà, il y a quelque chose à mettre en avant, en amont dans nos groupes, d'identifier bien les privilèges et la légitimité, de voir un peu où s'en sont les tensions et quels sont les privilèges du coup oppressifs et quels sont les privilèges de pouvoir du dedans, comme dit Starhawk, de ce qui nous donne plus de capacité vis-à-vis du pouvoir sûr de domination. Alors dans son livre « Comment s'organiser, manuel pour l'action collective », Starhawk a une définition, page 77, des privilèges qui pour elle recouvre les ressources, les opportunités et l'information. Et après, elle décline ça aussi sous forme de sécurité, à la fois physique et émotionnelle, et consistant aussi à échapper au harcèlement. Donc à partir de ces axes-là, on peut déjà analyser un peu là où on a privilège, légitimité, etc. à discuter. C'est des premières pistes. Et ensuite, justement, pour analyser tout ça, elle donne des exercices, page 80-81, que je vous propose de vous lire. Exercice sur le pouvoir et la diversité. Donc, je cite. Cet exercice m'a été enseigné par Georges Lacquet. Je le combine avec des apports de Katrina Hopkins et Lisa Fitian. Demandez aux participants, eux, de réfléchir quelques minutes aux personnes qui ont plus de pouvoir social qu'elles, eux, et de citer des exemples. Le plus souvent, vous obtiendrez des réponses comme « des mâles blancs, cadres supérieurs, les riches, etc. » Écrivez les réponses des différents groupes sur une grande feuille de papier. Posez cette question. Lorsque vous pensez à ces groupes qui sont privilégiés par rapport à vous, quels sont à votre avis les traits qui les caractérisent ? Généralement, les groupes reviendront vers vous avec une liste qui comporte des caractéristiques, comme l'arrogance, le mépris de l'autre, la confiance en soi, le sentiment de légitimité. Pliez le papier en deux, de façon à masquer la liste et demandez. Maintenant, pensez à des groupes qui ont moins de pouvoir social que vous. Citez-les. Écrivez-les au tableau, demandez alors, repensez à la liste de caractéristiques que vous associez aux personnes de pouvoir social supérieur. Pensez-vous que les personnes qui ont moins de pouvoir social que vous soient certaines de ces caractéristiques en vous ? Ouvrez la feuille pour révéler la page précédente. Y a-t-il certaines de ces qualités que vous associeriez à vous-même ? Souvent, à ce point, vous entendrez des rires au moment où les gens se reconnaissent. Prenez un temps pour en discuter. Maintenant, fermez un moment les yeux. Prenez quelques profondes inspirations et détendez-vous. Imaginez que vous surgissez au milieu de la réunion d'un groupe qui détient plus de pouvoir social que vous et que vous devez y délivrer un message vital. Quelles attitudes, quelles actions de leur part pourraient vous mettre à l'aise, vous faire sentir que votre présence est bien accueillie, que votre voix va être entendue et votre opinion considérée. Laissez aux membres du groupe le temps de développer leur imaginaire intérieur. Puis demandez-leur d'ouvrir les yeux et de vous citer des choses qui pourraient faire qu'elles se sentent bien accueillies et considérées. Demandez aux personnes de se lever, de parcourir la pièce, de se congratuler et de faire ces choses qui viennent d'être énoncées. Cercle de l'héritage. Merci à Margot Adair, Shay Howell et Bill Ahal de Tools for Change pour cet exercice. Le groupe se divise en cercles de 4 ou 5 personnes. Commencez par un ancrage simple et si c'est approprié, remerciez les ancêtres pour leur legs. Remerciez les générations futures qui poursuivront après vous. Ensuite, chaque participante se voit attribuer un temps de parole protégé. Un bâton de parole ou un objet peut être utilisé à cet effet. Celles qui n'ont pas la parole écoutent avec plaisir et empathie. Les questions peuvent être traitées toutes ensemble ou des tours successifs peuvent être organisés pour chacun une. Les voici. Comment les personnes qui vous ont élevé et leurs semblables sont-elles parvenues à l'endroit où elles vous ont élevé ? Si votre peuple a toujours été ici, comment les États-Unis, là c'est donc, ou la France pour ce qui nous concerne, ou tout autre pays d'ailleurs, ont-ils impacté votre communauté ? Que faisaient celles qui vous ont élevé pour gagner leur vie ? Citez une force et une chose qui vous rattache à votre héritage, quelle que soit la manière dont vous définissez celui-ci. Le groupe pourra décider d'ajouter une quatrième question qui concerne particulièrement son champ d'action ou sa situation. Après les tours de questions, prenez un temps pour une discussion ouverte, en petit groupe ou avec le groupe dans son entier, concernant ce qui est commun ou diffère dans nos héritages respectifs. Voilà, parce que chez Starhawk, tout est très, très lié aussi, enfin, il faut vraiment revenir aussi à notre héritage social. Voilà, à partir de ça, donc il y a plusieurs caractéristiques qui se dégage, mais en gros, grosso modo, de ce que dit dans tous ces extraits Starhawk, c'est l'importance de nommer, d'identifier nos privilèges, et là où on en a le moins, désessentialiser, c'est-à-dire de sortir de ces catégories à la fois de total oppresseur et de total opprimé, de s'appuyer sur donc, notre histoire personnelle et l'histoire en général, de savoir voilà, qui a raconté notre histoire, est-ce qu'on fait partie des personnes plutôt narratrices. Souvent donc les hommes cis, blancs, hétéros, de classe sociale supérieure. et de mettre en comparaison, en dialogue avec les histoires des autres. Donc c'est toujours contextualiser, voilà, tous nos vécus en fait. Et là, ça nous donne des pistes claires sur ce sur quoi on va devoir travailler dans le groupe. Et ainsi, nous engager là où notre histoire a le plus à redistribuer. Et notamment, donc, l'enjeu, c'est de s'entreformer aussi, de distribuer nos privilèges. Si on a réussi à acquérir des capacités d'écriture, d'organisation, et ben, comment est-ce qu'on peut faire circuler ça pour que d'autres puissent en bénéficier aussi et s'empouvoirer là-dessus. Donc, aussi insister sur distribuer l'information, puisque ça fait partie. Donc, comment on redistribue nos ressources, nos opportunités. Donc, parfois, en acceptant de saisir un peu moins d'opportunités pour laisser la place aux autres, par exemple. Comment on fait circuler les informations. Et puis, elle insiste aussi sur la gratification, notamment par différents modes, que ce soit le soin, l'assistance qu'on se donne, les uns une envers les autres, le respect de manière générale, mais ça peut être aussi de l'argent pour valoriser certaines choses. L'argent, on a un rapport compliqué avec, il est souvent associé au capitalisme, mais parfois, il permet justement, par exemple, pour des tâches généralement jamais rémunérées, et comme on est encore partie de ce système capitaliste, une certaine rétribution financière pour des personnes justement plus défavorisées de ce côté-là, peut être très importante. Et puis tout ça, permettant justement de patiemment apprendre à se faire confiance. Et il faut vraiment être très patiente avec ça, insiste Starhawk, parce que c'est quelque chose qui met du temps et qui va impliquer que tout le monde puisse montrer par ces actions-là, vis-à-vis de ses privilèges, etc., sa propre responsabilité. Et donc elle définit d'ailleurs la responsabilité comme le fait de faire des actions dans lesquelles on s'est engagé avec compétence et en temps voulu. Et donc pour ça, ça implique d'identifier nos possibilités, nos limites, de mettre en commun, d'échanger avec le groupe. Donc ça renvoie aux structures anarchistes qui se donnent des mandats de temps imparti et donc où on est experte ou chargée d'une mission, mais toujours circonstanciée, limitée dans le temps, etc. Et où on est toujours redevable de transparence, de compte au reste de la communauté. Donc ça demande de faire preuve de transparence, de savoir déléguer aussi quand on atteint nos limites et ou quand on a pris trop de place, d'être à l'écoute des autres personnes vis-à-vis de leurs propres responsabilités, du coup de faire partie aussi, même si on s'occupe moins de telle ou telle tâche, de venir en demander des nouvelles, etc. Parce que genre, c'est toujours un pouvoir qu'on a délégué à d'autres personnes. Donc pour que toute la balance soit rééquilibrée et que les autres personnes aient un regard sur ce qu'on fait, nous aussi on garde un regard sur ce que font les autres. Et puis d'être en mesure d'abord d'anticiper les crises qui peuvent se former en étant sensible aux dynamiques de pouvoir, etc. qui s'exercent, et puis de gérer les crises en temps voulu et avec les meilleures modalités possibles, et ça, je vais y revenir par la suite. Et dans les dynamiques auxquelles il faut faire gaffe, elle mentionne aussi notamment le sexe, donc parmi plein d'autres, aussi selon certaines personnalités, selon certaines neurotypées, etc. Mais du coup, voilà, être sensible à ça et le repolitiser comme, non pas pour l'incriminer et dire qu'il ne faut pas de sexe à l'intérieur du groupe, mais en étant au clair sur les risques que ça a pour pouvoir mieux gérer les crises qui peuvent en découler, et notamment des relations de manière générale. Sentimentale. Et donc je vais vous lire un autre extrait, page 101. Une caractéristique d'un groupe clair avec les questions de pouvoir et de responsabilité. Lorsque pouvoir et responsabilité s'équilibrent, l'axe d'action est solidement tracé. Le groupe peut avancer efficacement dans l'accomplissement de ses missions. Les individus se sentiront habilités à prendre des tâches en charge et sauront aussi se retirer pour laisser la place à d'autres. Les membres du groupe seront également motivés pour apprendre et avancer individuellement. Voici les caractéristiques d'un tel groupe. Une structure de prise de décision claire et des processus validés collectivement. Donc ça demande du travail en amont pour établir tout ça. Des accords clairs sur la manière dont les membres peuvent acquérir du pouvoir décisionnaire. Donc là, l'exercice sur les privilèges et le pouvoir sociaux est intéressant. Des processus clairs pour que les membres s'attribuent des tâches et des responsabilités. Des règles claires en ce qui concerne le domaine d'autorité et de responsabilité de chaque membre, savoir qu'est-ce qu'on attend des uns une des autres. des structures qui assurent la transparence, à qui les gens doivent-ils rendre compte de leur travail, comment et sous quelle forme le font-ils. Une culture de groupe qui encourage l'estime et la gratitude envers celles qui contribuent aux tâches, ce qui manque énormément dans nos collectifs, très souvent tellement imbibés de pureté militante qu'on en demande toujours plus, mais il y a très peu de remerciements finalement. Une culture de l'attention et du soin envers celles qui prennent des responsabilités, ça encore moins, en tout cas de mon expérience. Un système de rétribution transparent et équitable. Des formations et un accompagnement pour aider les gens à accéder à de nouvelles responsabilités. Lorsque les groupes collaboratifs établissent un équilibre entre responsabilité et pouvoir, lorsque nous donnons à nos membres la capacité d'œuvrer avec passion, au service de la vision qui nous porte et des objectifs que nous partageons, nous pouvons influer sur les grands équilibres de pouvoir autour de nous. Nous pouvons devenir agenteux du changement, remettre en question les relations de pouvoir inéquitables et inégales dans nos sociétés, et offrir l'exemple d'une autre manière de travailler ensemble, plus joyeuse et plus juste. Voilà, et je vous renvoie notamment à La Joie Militante aussi, qui aborde ces questions de Bergman et Montgomery. Du coup. Donc ça, c'est des premières pistes pour bien cadrer une communauté, on va dire, qui souhaite travailler ensemble. Et ça évite notamment des déchirures en interne, et on sait que dans les communautés queer, mon Dieu, qu'on se déchire énormément vite, et où tout se polarise très vite, et je vous mettrai en lien deux articles qui traitent de ça, notamment du rapport au traumatisme, qui explique un peu le penchant vers la pureté militante et la cancel culture, et également un autre texte, Paranormal Tabou, qui vient pour un peu critiquer les notions d'accountability, de transparence, etc., donc de rendre des comptes hein, pour l'accountability, comme quoi ça ne suffit pas, qui vient critiquer aussi... le fait que dans la réalité, on a trop du mal à mettre en place la justice réparatrice parce qu'on a toujours besoin en fait de vengeance, mais le tout c'est de l'assumer, d'assumer que voilà, si on répond à de la violence physique par de la violence physique, bah, c'est une réponse, c'est légitime et ce n'est pas une justice réparatrice, on le fait pour se délivrer de ce besoin-là. Et cet article est très intéressant parce qu'il invite justement à sortir de cette idée que nos communautés sont « safe », parce qu'à partir du moment où on est vulnérable les uns une avec les autres, et ben, on s'expose forcément à des violences entre nous, parce qu'on est des êtres humains haines, qui en plus sont imprégnés dans cette société, mais qui ont vécu plein de choses, et qui sommes susceptibles de les reproduire. On doit faire gaffe à ça. Mais accepter ça, ben, ce serait déjà une bonne base pour accepter l'idée que de toute façon, les conflits vont survenir, et du coup, parce que nous sommes, pour citer Paranormal Tabou, bel et bien en guerre contre le monde extérieur, mais que du coup ça a un désimpact sur nous à l'intérieur, et que maintenant il s'agit de s'armer, de savoir comment on gère ces conflits au mieux pour ne pas plus nous entre-déchirer, ne pas perdre dans cette histoire à la fois collectivement et individuellement, et de prendre en compte que le fait que les traumatismes qu'on a, ils ne sont pas individuels, mais ils sont bel et bien collectifs, ce qui permet de se ressouder, de du coup, en acceptant le fait que le conflit va arriver, et eh bien de construire nos aptitudes au conflit. Donc ça fait partie d'une des préconisations aussi en amont pour un groupe plus fonctionnel, donc qui est de valoriser le conflit, que j'ai trouvé aussi dans des podcasts tels que « On n'est pas des cadeaux », valoriser le respect et la reconnaissance, je pense, comme le disait Starhawk, c'est très important, avant même de vouloir tout de suite aller au front de la dénonciation. Valoriser aussi le soin qu'on a tendance à dévaloriser parce qu'ils ont été tellement associés au féminin qu'on a envie de se départir de tous ces adjectifs qui ont été infériorisés et renvoyés du côté féminin de l'histoire, alors qu'en fait c'est aussi des véritables aptitudes dans cette guerre qu'on mène vis-à-vis du monde extérieur. Bien sûr, il faut avoir en tête que dans tous les cas, c'est Gwenola Ricordo lors d'une de ses dernières interventions à Bordeaux qui rappelait à quel point tout ce qui était justice réparatrice c'était très compliqué sur le long terme parce qu'en fait on s'épuisait parce qu'on avait tous d'autres fonctions à côté et que ça demandait un constant travail en fait de soins et du coup ce qui est l'horizon le plus propice à construire nos communautés c'est bien de gagner de l'espace et du temps matériel et ça à l'avoir très en tête que tant qu'on n'aura pas ça, de toute façon, ce sera compliqué et ce sera très limité dans le temps et dans les possibilités matérielles, tout ce qu'on peut faire, ça nous éloigne forcément de l'utopie. Donc voilà, avoir tout ça en tête, valoriser le conflit, la désescalade aussi. Alors, je reviendrai plus tard sûrement sur un peu la communication non violente, parce que il y a certains outils qui peuvent être utilisés, notamment lors de conflits. Et le fait, Starhawk parle aussi du fait de lutter contre la médisance, mais après, ça ne veut pas dire devoir tout policer non plus, parce qu'il y a des choses graves et il faut aussi qu'on puisse se réconcilier avec une partie crue et violente de nous, qui puisse s'exprimer dans un bon cadre et ne pas toujours être lissée, parce que sinon ça réexplose sous d'autres formes et puis ça minimise aussi des choses qu'on ressent. Donc c'est toujours l'ambivalence entre ne pas tomber dans le strict non plus féminisme du ressenti très blanc, bourgeois, hétéro, de on écoute que ce que la personne qui se dit victime ressent, parce qu'encore une fois, se dire victime, ça peut être le résultat d'un privilège, et en fait, ce n'est pas du tout intersectionnel comme prise en compte des oppressions à l'intérieur de nos milieux marginalisés. Il faut prendre en compte l'ensemble des contextes, et à la fois accepter, ne pas condamner chaque expression de violence, de choses de manière crue, parce que de toute façon, non, on n'est pas dans des espaces safe et qu'il faut qu'on puisse aussi s'ériger forte vis-à-vis de ça pour pouvoir les combattre à l'intérieur et qu'on n'est pas dans ce que certains haines appellent de manière très pompeuse l'hétérotopie, c'est-à-dire où on se construit un milieu beaucoup plus cocooning, mais qui du coup nous sort totalement de la réalité à l'extérieur et qui fait que chaque fois qu'on va être obligé, et on va être obligé de revenir dans le monde extérieur, ça sera encore une violence supplémentaire, et que quand ça va péter à l'intérieur de nos groupes, on l'aura pas pu venir, on aura perdu nos aptitudes au conflit, en fait. Et à accepter aussi, à accepter la colère, par exemple. Take me away from here. Everybody's so fake, everybody's so fake, I swear. But I don't wanna go back there. Everybody's so fake, everybody act like they care. Take me away from here. Everybody's so fake, everybody's so fake, I swear. But I don't wanna go back there. Everybody's so fake, everybody act like they care. Everybody act like they care. Why the fuck do everybody act like they care? I was dying and the body was there. Please don't cry, baby, life ain't fair. I run away from my problems. I do the drugs when I wanna. I ran away from my mama. Don't bother me with no drama. Donc pour ça, c'est important donc de pouvoir circonstancier et nos privilèges, etc., d'être au clair avec ça, mais aussi par rapport à ça, les attentes. Les limites qu'on a et quelles sont les limites sur lesquelles on peut travailler ou non pour faire suite à ce que j'évoquais dans le dernier épisode. Valoriser donc aussi le refus, si on veut aller vers des relations véritablement consentantes, il faut qu'on apprenne à valoriser le refus, la frustration, le dépit, que c'est pas des sentiments qui sont invasifs et qui ne respectent pas le consentement, c'est juste qu'ils doivent pouvoir s'exercer auprès de certaines personnes dans des contextes clés et pas auprès des personnes, par exemple vous recevez le refus d'une personne pour tel ou tel type de relation, ça peut vous affecter. Après, ce n'est pas à la personne qui a refusé de gérer ça, mais par contre, il n'y a pas à minimiser non plus votre frustration. Et du coup, si on arrive à valoriser des prises en compte des sentiments négatifs qu'on a, y compris de la jalousie, des choses qui sont très, dévalorisées, etc., et ben on arrivera à mieux les gérer et à les surpasser, et à dépasser ce mythe de pureté humaine et militante. Prendre en compte aussi nos différences d'empathie, parce que tout le monde ne va pas être sensible de la même manière au conflit et à la souffrance des autres, et ce qui peut entraîner des conséquences vraiment différentes d'un point de vue psychologique. Valoriser aussi donc l'erreur et le pardon. Plus on donnera des exemples de ça, même sur des petits détails, et on s'efforcera soi-même sur des choses qu'on peut pardonner en remettant de la compréhension, plus on sera capable d'avoir d'aller vers davantage de justice réparatrice pour des choses un peu plus pesantes, en fait. Accepter donc aussi qu'il y a de la subjectivité dans le conflit et dans l'agression, malheureusement. Que c'est pas binaire, et ça je vais revenir sur... Parce que toute cette déconstruction de la pensée binaire, elle irrigue tous ces principes-là. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on accepte qu'il n'y a jamais qu'une totale agresseuse, bon c'est le cas parfois pour des choses très graves, mais dans des contextes de dispute, il y a la subjectivité des interprétations, des vécus différents derrière, et sortir de la binarité, c'est ce qui permet de valoriser l'erreur, de valoriser le pardon, et d'accepter la subjectivité dans les conflits et les agressions. Je vous renvoie aussi à un fanzine qui s'appelle « Oublie mais ne l'oublie jamais », qui parle du rapport spécifique des alliés vis-à-vis d'une oppression, qui est de ne pas voir les autres personnes à travers ce prisme, mais de toujours l'avoir en compte. Et notamment bah, pour des prises de décisions spécifiques qui touchent ces personnes, etc., ou quand éclate un conflit, toujours voir, essayer de voir où ça s'articule. Donc toujours l'avoir en tête sans enfermer une personne là-dedans, finalement. Et puis accepter le fait qu'on va devoir avoir une éducation continue et située vis-à-vis de nos alliés possibles. Et là où beaucoup de personnes se disent fatiguées de faire de la pédagogie, bah ouais, mais en fait, il y a plein d'autres personnes, enfin, selon les personnes avec qui on a décidé de faire communauté, là, oui, il va falloir faire toujours un travail d'explication, parce qu'on n'a pas les mêmes vécus, et que nous-mêmes, on va faire des grosses conneries si les personnes ne nous expliquent pas leur perspective, leur point de vue situé. Et du coup, bah, c'est important de pouvoir échanger, et ça fait partie de l'auto-formation dont je parlais plus tôt avec Starhook. Ensuite, donc, pour tout ça, il y a l'idée de se défaire de la pensée binaire et de sortir donc du féminisme du ressenti, donc, qui est notamment critiqué dans « Le conflit n'est pas une agression » de Sarah Schulman et dans le livre « Paillettes toxiques ». Donc encore une fois, le féminisme du ressenti, c'est appliquer cette grille qui est totalement légitime et heureusement qu'elle existe dans le cas de couples, par exemple cis-hétéro. Et quand il y a une des violences conjugales, de croire toujours la parole de la victime, c'est essentiel. Mais c'est quand même quelque chose qui est très circonstancié à notre époque et nos conditions sociales, etc. Et qui ne peut pas devenir une vérité en soi pour l'ensemble des situations, notamment entre personnes queer ou marginalisées d'autres manières. Et surtout, bah, par exemple, ne pas oublier l'histoire de toutes ces femmes blanches aussi, notamment... aux États-Unis, mais aussi en Europe, qui, selon les contextes, sont accusés à tort des personnes noires, et en tout cas non blanches, d'agression. Et parce qu'il y avait des enjeux de gain de certains pouvoirs vis-à-vis des uns et une des autres. Donc voilà, n'oublions pas cette histoire-là et nuançons le féminisme du ressenti à l'intérieur de nos communautés, pas à l'extérieur, pas vis-à-vis du milieu mainstream, bien sûr, qui discrédite toujours la parole des femmes cis-hétéro victimes de violences sexuelles, par exemple. Donc sortir de la binarité, c'est sortir de l'idée qu'il y a un bien en soi et un mal en soi. C'est de remettre de la complexité, de distinguer ce qui est pouvoir social et ce qui est pouvoir coercitif, donc je renvoie là à Starhawk, de chercher aussi la réfutabilité des choses, donc que pour éviter que nos principes militants, nos convictions, qui sont des bases solides et qui nous guident politiquement, ne deviennent des idéologies à leur tour qui vont devenir totalisantes, etc. Il faut non seulement toujours les replacer dans leur contexte, mais aussi bah, toujours être prêteux à ce que telle ou telle situation nous démontre qu'on a faux, comme le protocole de réfutabilité de Karl Popper pour tout protocole scientifique. Justement, il faut qu'on puisse toujours laisser une ouverture à la critique et à la remise en question de ce qu'on avance, pour pouvoir s'y fier, sinon on va s'enfermer dans une radicalité rigide, en fait. Pour renvoyer là, cette fois, à la joie militante de Bergman et Montgomery. Se méfier de nos biais psychologiques simplificateurs, donc ça j'en ai un peu parlé dans les épisodes précédents, et je vous renvoie au podcast Meta Choc aussi là-dessus, C'est tout ce qui est l'heuristie, c'est-à-dire les biais d'association qu'on fait très vite, qui peuvent être des stratégies de survie ou d'interprétation rapide, et on en a besoin. Mais parfois, ça se fait aussi selon l'impact que ça a derrière, et il vaut mieux s'en méfier si ça implique de d'un coup tourner le doigt à une personne parce qu'on met en commun... Et plein de différents détails qui nous semblent d'un coup super importants et qui gomment tout le reste des contextes et des autres éléments qui pourraient contredire ça. Et en se rappelant aussi qu'on a tendance à toujours nous juger nos propres comportements vis-à-vis de notre intériorité, vis-à-vis de nos valeurs, de ce qui nous anime de ce point de vue-là, alors qu'à l'extérieur, on juge les personnes que sur ce qu'on voit et donc sur leurs actions. Et on n'a pas accès à toute leur subjectivité et leurs circonstances à elles, leur contexte, etc. Et se méfier, bien sûr, du tout médical, et en dehors du tout médical, de la psychanalyse aussi. Enfin, en vrai, de toute pensée qui essaye d'expliquer l'ensemble des choses par une même... par un même prisme. Il y a des choses à piocher partout, dans le médical, dans la psychanalyse, dans la psychologie, dans plein de choses. Mais ce ne sont toujours que des domaines qui ont pris un aspect des individus et où il y a eu beaucoup, beaucoup de biais, beaucoup de biais d'interprétation, des thèses, beaucoup de projections. Enfin, c'est toujours des êtres humains, en fait, qui ont fait ça. Et donc, garder ça à l'esprit, non pas pour retomber dans un relativisme total, c'est-à-dire tout se vaut... on peut faire confiance à rien, mais toujours laisser cette porte ouverte à la réfutabilité, au fait qu'on puisse contredire ce qu'on nous dit et être soi-même convaincu de choses jusqu'à preuve du contraire. On retiendra de notre ambition qu'elle est à dire avec un soupçon d'utopie. On retiendra de notre passion qu'elle était fine, pas du genre de celle qui détruit. J'aimerais tant que ça marche, que je m'habituerais à remettre mon titre en jeu. J'aimerais tant que ça marche, et je recommencerais s'il fallait, même si je pense qu'on pourrait faire encore mieux. Alors j'attends que la vie passe, que le temps fasse son effet. J'ai peur quand j'y pense de m'éroder. J'attends de ton envie qu'elle ressuscite. J'attends de ta colère qu'elle se dissipe. J'attends de mon espoir qu'il se décide. Maintenant, prendre les choses en main. J'attends de ton désir qu'il réussisse. J'attends de nos enfants qu'ils s'épanouissent. J'attends de moi que je m'évanouisse. Ça, il peut être bien au début d'avoir des traces écrites aussi pour pouvoir faire ensuite des allers-retours constants vers les valeurs de base qu'on aura identifiées, vers lesquelles on veut se tourner pour vérifier que nos modes d'action sont bien conformes à ces valeurs-là. Il y a un peu le mythe de la communication qui est toujours un peu brandi, de toute façon l'importance de communiquer. Or j'aimerais recomplexifier cette idée de communication parce que, encore une fois, ça dépend... vraiment du vécu des personnes, de leur origine, de leur neuroatypie. Et puis que la communication n'est pas du tout la même pour tout le monde et que ça, c'est important de l'avoir, qu'on n'a pas tous les mêmes codes de langage ou les mêmes langues, tout simplement. Le même rapport à l'implicite contre l'explicite, notamment dans les contextes de séduction. Et ça, on en parle encore assez peu aussi. Pour rentrer plus en détail sur les limites du tout communicationnel, l'épisode d'Elisabeth Fetti, Méta de choc, sur la communication non violente est très intéressante. En fait, c'est 5 épisodes et qui montrent les principaux écueils derrière des techniques très intéressantes. C'est pas toujours adapté à tous les contextes, ça peut être pesant, ça peut délégitimer des colères parfois tout à fait saines. Le problème, c'est encore quand ça s'érige en nouvelle absolue dans tout contexte, comme n'importe quelle stratégie ou pensée. Et après, aussi, ça vient d'une personne qui, quand même, Marshall Rosenberg, flirte beaucoup avec le New Age et avec des spiritualités qui sont très individuelles, avec une vision de l'être humain donc très connecté au spirituel et de l'individu totalement responsable, en présupposant une bienveillance humaine de base qu'il nous faudrait juste retrouver. Et voilà, et encore une fois, c'est une pensée qui a permis de développer des techniques effectivement de communication plus centrées sur les besoins des autres personnes que sur le conflit direct, mais parfois le conflit est nécessaire. Et puis tout le monde n'a pas les mêmes besoins, le même langage, les mêmes ressources aussi de communication. Tout n'est pas solvable par un dialogue. Et puis surtout, toutes ces techniques, elles manquent de réfutabilité, elles manquent de protocoles scientifiques qui viennent en prouver la véritable efficacité. Mais qu'il faut faire attention aux raisons de refus de communication. Ça peut, parfois, il faut juste respecter le besoin de coupure de quelqu'un une, mais parfois, ça peut être aussi une manière de se défiler lors d'un conflit et d'une agression et de commettre encore plus de dégâts par la suite. C'est toujours la question avec le ghosting aussi. Donc, de faire attention à ça, de faire attention à la médisance. Donc le fait de parler les uns une sur les autres de manière un peu gratuite, on va dire, ce qui est différent de parler parce qu'on s'inquiète pour une personne. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui, tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, confiant que le temps vienne lisser nos tourments. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui, tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, confiant que le temps viennent lisser nos tourments, ouais. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui, tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, confiant que le temps viennent lisser nos tourments, ouais. Tant qu'il y a de l'amour, des efforts, des retours et des corps qui se disent encore oui, tant qu'il y a tout autour du décor, des cœurs qui disent d'accord, qui ont encore envie, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai, tant qu'il y a tout ça, j'attendrai. Prendre le temps, donc toujours veiller à sortir de cette binarité aussi agresseur-victime, voilà. Donc la désescalade, bien sûr, parce que faire attention à l'immobilisme, parce que être en mode c'est leurs affaires, ça ne nous concerne pas, que ce soit des couples, des amis, peu importe, c'est tout aussi problématique. L'idée, c'est de prendre de la hauteur, donc pour pas être intrusif, mais en fait, forcément, ça implique les dynamiques de communauté. À partir du moment où on fait communauté, on peut pas juste renvoyer les gens à leurs petites entités de conjugalité ou autre. Et du coup, tout ça, pour discuter, ça implique de prendre de la hauteur, de vraiment changer d'échelle, essayer de voir qu'est-ce qui se retrouve dans les dynamiques générales, des dynamiques générales, que ce soit d'oppression, de manière de se structurer en tant qu'être humain, etc., dans ce conflit-là. De demander si c'est OK de partager d'autres expériences personnelles, parce que parfois, ça permet justement de sortir de la boucle aussi, ça. Dans le podcast On n'est pas des cadeaux, il y a d'autres pistes qui sont évoquées, notamment par rapport à un conflit qui touchait par exemple deux membres. Le groupe venait aux nouvelles régulièrement pour montrer que le conflit impactait en fait la dynamique de groupe. Et également à l'inverse, parfois il peut être suggéré aux personnes d'aller le gérer hors collectif quand ça prend trop de place pour montrer que leur conflit n'a pas à toujours être prioritaire. Et toujours en faisant cet aller-retour vis-à-vis des valeurs premières du collectif. Est-ce que ce conflit intervient, enfin, vient questionner ça, vient frotter là-dessus, ou est-ce que c'est complètement en dehors de ça et du coup il faut que l'énergie soit reconsolidée d'abord sur le soin aux autres personnes vis-à-vis des valeurs prioritaires avant ces autres conflits qui peuvent être par exemple des conflits d'intérêts ou peu importe. Et du coup, la valorisation du conflit aussi, elle se fait tout au long des médiations, en laissant le temps aux différentes argumentations de se dérouler, en allant toujours jusqu'au bout. Et là-dessus, il y a plusieurs exercices et pistes données dans le livre « Comment s'organiser » de Starhawk, si vous êtes dans ces situations. Et pour rappel, il y a souvent, on peut dire « oui, bah, elles ont qu'à aller voir des psys, etc. » Mais il y a plusieurs freins à aller chercher de l'aide en dehors de la communauté, même si ça pourrait être bien, en fait, parfois, justement, qu'on s'épuise pas tous et qu'on soit pas tous à la fois soignants, juges, etc. Parce qu'effectivement, comme dit Gwenola Ricardo, on s'épuise là-dedans. Mais c'est que déjà, on n'a pas forcément envie de s'outer en tant que personne minorisée, queer notamment. On n'a pas envie de salir l'image du groupe qui est déjà marginalisé, donc avec ce sentiment de double trahison. On peut avoir la peur aussi d'isoler davantage l'autre personne avec qui on est en conflit, ou même qui nous a agressés, parce que on sait que c'est aussi une personne minorisée. Et puis surtout, on manque de structures adaptées à la spécificité de nos besoins, de nos questions, de nos fonctionnements. Et c'est pour ça aussi qu'on a choisi de faire communauté dans un premier temps. Donc l'idéal, ce serait plusieurs cercles communautaires qui s'entraident sur ces questions très précises, en fait, qui viennent s'aider pour le soin, la justice de communauté à communauté et qui après font le reste de leurs actions en interne, un peu comme des cercles qui se croiseraient, un peu comme les anneaux des JO, vous savez. Puis comme ça qu'on puisse quand même avoir des figures d'experteux, parce que c'est très important d'avoir quand même des personnes qui soient spécialistes des questions de santé mentale, de justice un peu, qui soient formées, et ça prend beaucoup de temps de se former. Juste l'idée, c'est toujours de circuler l'information, de circuler les positions, et de, sur un temps long, de viser à se former, d'être le plus de personnes possible à se former pour devenir ces experteux, afin d'éviter justement la notion d'épuisement dont l'épuisement dont parlait Gwenola Ricardo. Tellement de gens veulent tellement être aimés. Pour se donner, peuvent tout abandonner. Tellement d'erreurs qu'on pourrait s'éviter. Si l'on savait juste un peu patienter, donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour au hasard ou qui arrive trop tard. Je prendrai le temps d'apprendre. À vivre tout juste pour s'évader. Est-ce que nos peurs valent à ce point la peine pour exiger aussi peu de nous-mêmes? Donne-moi le temps d'apprendre ce qu'il faut apprendre. Donne-moi le temps d'avancer comme je le ressens. Y a pas d'amour sans patience, d'histoire sans y croire, pas d'amour sans le vouloir. Si je sais que tu m'attends. Je bascule sur les spécificités problématiques à la santé mentale, justement, dans tout ce qui est conflit et agression. Donc pour prendre en compte les spécificités de santé mentale dans la gestion des conflits et des agressions, bah déjà, il va falloir sortir de la banalisation des termes. Donc arrêter de parler de situations schizophréniques ou paranoïaques. Faire attention à des expressions comme marcher sur des œufs, par exemple. Parce que ça implique quand même des situations d'hypervigilance qui sont très liées à des situations de violence vécues souvent par le passé. Et du coup, de pouvoir laisser ces termes justement à leur situation vraiment appropriée. Et de nommer notamment les oppressions spécifiques à la santé mentale qui s'expriment. De pouvoir accepter le fait qu'il y a beaucoup de psychophobie souvent dans les conflits. Et sans que ça veuille dire que ça soit l'arme brandie pour exclure d'autres personnes. Mais voilà, d'arriver à nommer ces choses-là. Et alors comment ces problématiques de santé mentale, elles peuvent particulièrement se manifester dans la gestion des conflits et des agressions? C'est-à-dire qu'on va s'attendre à différents types d'échanges de services et de réparations. On n'a pas forcément les mêmes rapports à ça, la même notion de ce qui nous ferait du bien, etc. Et on ne peut pas avoir les mêmes attentes envers les personnes en termes de réparation, parce que une personne qui est très dépressive, par exemple, ne va pas être en mesure de fournir des travaux d'intérêt généraux. Enfin bref, c'est un exemple très caricatural, mais voilà. Il y a bien sûr des différences de langage, de valeurs, mais il est toujours important de quand même reconnaître la responsabilité du coup de la personne qui a commis quelque chose, même si elle n'est pas en capacité directe de réparer, en tout cas de prévenir, de voir comment éviter la répétition au moins de des conséquences de ses actions, en tout cas de la violence, quand il y a. De prendre soin aussi, de faire attention à l'épuisement des personnes qui, elles, se disent victimes ou soient considérées comme agresseureuses, et qu'il va falloir donc d'autres temporalités peut-être que des temporalités classiques entre personnes neurotypiques, notamment aussi dans la communication, et permettre à ces personnes de justement pouvoir s'extraire un peu des climats anxiogènes, de leurs conditions matérielles qui leur pèsent, etc., pour pouvoir faire ce travail sur elles-mêmes, de réparation, etc. Donc ça ne sert à rien, surtout, de priver matériellement quelqu'un, une qui est accusée de violence ou quoi, et qui est par ailleurs minorisée à la rue, etc. Il faut d'abord pourvoir aux conditions matérielles de ces personnes pour que ces personnes puissent travailler sur leur comportement, parce que sinon, elles sont juste renvoyées à leur cycle de violence. Et voilà. Tout ça, ça demande de beaucoup travailler sur la gestion des espaces, du temps, etc. pour les différentes personnes, et c'est un énorme travail. Mais voilà, il faut que ces personnes puissent avoir accès aux bases des conditions de vie et ne pas être dans la simple survie. Il faut aussi jauger à quel point on prend en compte ou non tel trouble psy ou neuroatypie peut-être par rapport à est-ce que la personne est nouvelle, est-ce que c'est des choses qui ont particulièrement agi ou non dans le conflit en tant que tel, quelles sont, enfin voilà, ça sert à rien de juste dire ah non mais cette personne a un trouble psy donc n'est pas responsable de ça. Est-ce que c'est la première fois que ça se réalise, etc. Enfin, analyser les schémas, toujours remettre le contexte. Essayer de toujours définir, en fait, voilà, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui fait du mal précisément. Est-ce qu'il y a eu des... Enfin, est-ce que c'est les personnes qui se disent victimes, en fait, sont en train de revivre aussi des traumas? Est-ce que c'est vraiment la personne accusée qui est la directe personne violente dans l'histoire? Quelles sont les explications? Voilà, c'est encore une fois la contextualisation. Un, deux, tres. Ouh. Dale, dice que ya fue. Ya pasó. Ya fue y nunca volverá. pour basculer sur la partie des agressions plus spécifiques, il est bien qu'on puisse aussi s'entraîner à identifier les situations d'emprise, justement. Donc là-dessus, je vous renvoie vraiment à Paillettes Toxiques, qui a tout un déroulé d'outils pour identifier les situations d'emprise et en sortir, afin qu'on arrête aussi de banaliser, encore une fois, ce terme et de considérer qu'un peu tout est emprise. L'emprise, c'est la différence entre contrôle et limite. C'est-à-dire qu'on peut poser des limites personnelles pour des personnes. Déjà, c'est toujours important de les recontextualiser et de travailler soi-même sur nos propres limites. Parce que ça veut pas, c'est pas parce qu'on ressent des limites qu'elles sont légitimes et qu'elles doivent primer sur les limites des autres. Et le moment où c'est plus de la protection de soi, mais c'est pas nous qui nous mettons en retrait, mais c'est nous qui venons entraver la liberté des autres. Dans Paillettes Toxiques, il y a la mention du triangle de Kapman entre la personne qui est haute risque d'emprise, la personne qui vit l'emprise, qui l'a subie, et la personne qui essaye d'être médiatrice et qui se transforme très vite en sauveuse. Pour en sortir de ces biais-là, il faut surtout souvent un tissu relationnel fort derrière, donc encore une fois, la communauté. Donc une attention de groupe. Et ça, ça demande de la responsabilité. Être capable de s'attendre à devoir gérer des crises de violence. Il faut donc un espace spécifique pour que s'exprime cette violence. Un espace spécifique où s'expriment les frustrations ressenties et donc des conditions matérielles, etc. pour permettre à la personne qui est en, par exemple, décompensation ou en crise de colère énorme, de pouvoir extérioriser d'une autre manière sa colère ailleurs sans que cela soit un danger pour les autres personnes autour. Et si possible non plus pour elle-même, ce serait pas mal. Et donc l'idée, c'est de toujours casser cette boucle de violence, de toujours chercher toujours la désescalade. En termes d'indices dont il peut être bien de tenir compte pour essayer d'analyser, de repérer des situations d'emprise, ça passe par des manifestations physiques. Alors encore une fois, il ne s'agit pas de prendre n'importe quel exemple de comportement qui semble un peu plus rude qu'un autre, il faut toujours replacer dans le contexte et plutôt aller interroger les personnes sur un comportement qui nous aurait interrogé, etc. Mais voilà, être très attentif quand même aux comportements physiques qu'on a les uns avec les autres, aux situations d'isolement, aux situations de victimisation. Ça peut être à la fois révélateur d'une personne qui victimise quelqu'un une d'autre ou d'une personne qui s'auto-victimise, qui se dévalorise. Et donc là, c'est des mécanismes qui sont quand même assez alertants. Et comme je le disais, c'est le tissu social qui permet en grande partie de faire la différence, et aussi en reconnaissant les ressources et les efforts que la personne a déjà fait, en l'aidant à sortir de la boucle honte et culpabilité, en valorisant sa parole et en lui laissant le temps, encore une fois. Ce ne sera pas linéaire, il y aura plein d'allers-retours. C'est le principe même de l'emprise. Et bien sûr, toujours remettre la responsabilité sur les personnes autrices de violence. Dans les derniers épisodes des Couilles sur la table, qui commence un nouveau cycle sur le comment faire justice, 5 besoins des personnes victimes sont mis en avant par Victoire Toyon à la fin de l'épisode où elle interviewe Lorraine Bastide sur le féminisme anticarcéral et la justice réparatrice, justement. Et dans ces 5 besoins, il y a le fait d'obtenir des réponses par rapport à ce qui nous est arrivé, qu'il y ait une reconnaissance de ce qui s'est passé, du préjudice subi, ensuite d'être en sécurité, de pouvoir donner du sens à ce qu'on a subi. Et là, on bascule dans une dimension donc plus, beaucoup, encore plus subjective et encore plus peut-être complexe et diverse que les 3 premiers besoins qui peuvent être plus concrets, parce qu'il y a des dimensions philosophiques, il y a des dimensions parfois oui, très personnelles. Et enfin, le 5e besoin, c'est d'obtenir réparation. Et je voulais finir sur les principes d'exclusion et les usages du call-out. Alors, on est beaucoup, nous, taxés de cancel culture, et effectivement, on utilise ce mécanisme de manière de plus en plus régulière, à tort ou à raison. J'ai listé à partir de l'ensemble des ressources que j'ai citées précédemment les différentes raisons pour lesquelles on call out, on exclut les gens en essayant de voir quels sont les contextes qui s'y prêtent et ceux dont il faut le plus se méfier. Donc, par exemple, lorsqu'il s'agit de laisser de l'espace, notamment aux personnes victimes ou qui peuvent ou ont pu être victimes, c'est tout à fait justifié à mes yeux, même si ça doit toujours être circonstancié dans un temps et être accompagné donc d'autres mesures. Est-ce qu'il y a un processus de dialogue avec la personne, un processus de réparation de travail sur soi? Comment faire à terme pour que cette personne ne soit pas non plus elle-même à son tour isolée pour un temps indéfini, etc. Donc il y a plein de choses à prendre en compte. Il faut toujours que ça soit circonstancié. Ensuite, forcément, quand il y a un danger imminent, mais pareil, il faut vraiment définir comment justement répondre aux besoins de sécurité des personnes victimes, comment les protéger, comment protéger l'autre personne de lui-même si nécessaire, et parfois de la vendetta collective. Et ce qui me ramène à un autre plan de pourquoi on exclut souvent, c'est pour se dédouaner soi-même et se servir en fait de l'autre personne comme bouc émissaire, notamment quand on appartient au même groupe dominant, que ça soit de classe, de racialisation, de genre, que la personne qui est pointée du doigt. Et c'est une manière en fait de ne pas venir traiter les problèmes de fond et le fait que cette oppression, on participe activement aussi à la perpétuer, qu'on a même sûrement par nos propres actions et notre socialisation et donc les échanges qui en découlent, peut-être faciliter, donner un permis de dire ou d'agir à cette personne-là. Et du coup, c'est hyper important que l'ensemble des personnes prennent une responsabilité également collective qui n'est pas au détriment de la responsabilité individuelle de la personne qui commet les choses, mais qui est quand même fondamentale, pour toujours garder en tête que c'est toujours des dynamiques de pouvoir qui se jouent, qu'il y a une multiplicité de facteurs qui favorisent une action, et il n'y a pas de justice réparatrice sans justement et circonstancier et prendre avec toute la complexité des raisons et du coup des axes de réponse sur lesquels on peut agir. L'une des autres manières d'utiliser, donc outre se dédouaner, qui peut parfois être une stratégie de survie, d'exclure quelqu'un à titre individuel. Là, je parle vraiment de dynamiques collectives qui sont problématiques quand elles désignent une personne cible. Mais à titre personnel, on peut avoir besoin de s'éloigner d'une personne parce que ça nous touche trop, parce qu'on s'identifie un peu à ce qu'elle a fait et que ça nous renvoie à quelque chose de pas qu'on ne souhaite pas avoir chez soi ou qu'on n'est pas prêt à avoir chez soi. Mais bon, ça implique quand même de se poser certaines questions pour travailler sur soi ensuite. Et donc enfin, l'un des autres contextes d'exclusion, c'est malheureusement bien souvent la punition. Donc là, qui est vraiment ancrée dans notre société de culture de la justice punitive. Et donc qui revient à s'arroger keuf, à s'arroger juge, et donc à reprendre du pouvoir sur l'autre personne et à notre tour de prétendre en fait avoir tout compris de la situation. Donc voilà, les principes d'exclusion, ils peuvent être à mes yeux des principes nécessaires parfois, mais ils doivent toujours être argumentés, circonstanciés, proportionnels. Donc ça, c'est plein de principes qu'on trouve dans la justice, même aussi bancale qu'elle puisse être, la justice de nos sociétés. Et voilà, mettre toujours, toujours en dernière option, parce que c'est un processus extrêmement violent, donc qui doit répondre à des actes violents, et vraiment, quand il n'y a pas d'autres possibilités, et toujours entouré d'autres conditions, et même si c'est pour toujours, parce qu'il n'est absolument impossible pour la communauté de voir cette personne, en tout cas que ça soit notifié, et que ce soit le plus clair possible, ou alors updaté, actualisé, au fur et à mesure que finalement le groupe ne souhaite toujours pas et ne souhaitera pas revoir cette personne, parce que sinon ça recrée des dynamiques inégales de pouvoir et ça entretient une justice non responsable, non collective. Ojalá que te vaya bonito. Ojalá que se acaben tus penas, que te digan que lloras y existo, que conozcas gente igual de buena, que te den lo que no pude darte, porque que no quiero dártelo todo. Nunca más volveré a molestarte. Te adoré, me perdí, ya ni modo. Cuántas cosas quedaron pendidas hasta dentro del fondo de mi alma. Cuántas luces dejaste en vida. Yo no sé cómo voy a apagar. Et deux ou trois choses que j'ai l'impression d'avoir apprises. C'est que parfois, on perd de vue l'essentiel. L'essentiel de pourquoi on aime, pourquoi on a mal, pourquoi on crie. L'essentiel de comprendre que tout est toujours plus compliqué. Que parfois, il n'y a rien qu'on puisse comprendre. Qu'on ne peut pas tout trancher, même si c'est les schémas auxquels on a toujours été habitués, comme le montrait Starhawk. Le bien, le mal, cette mythologie du binaire, partout dans nos héritages culturels. Une grille rassurante est parfois nécessaire, mais qui a ses limites. Deux ou trois choses dont on se croit sûr. Qu'il y a de bonnes et mauvaises personnes, que nos souffrances appellent forcément de justes châtiments, que nos souffrances justifient tout. Que des répétitions de faits sont des alarmes, des signes du destin. Que l'histoire se répéterait de la même manière contre soi. Qu'il nous faut faire confiance sans bornes, ou bien rester sur le qui-vive de tout ce qui nous blesse. Que toutes nos limites sont justifiées et non négociables, que l'on peut tout décortiquer, que ce que l'on dit est forcément reçu et compris comme on l'imagine, qu'il n'y a que certaines manières de faire, de parler, de quitter, de demander pardon, que nos réceptions valent toujours plus que les intentions. Des choses que dans mon milieu actuel militant queer se confondent aussi, je crois. Limites contre privilèges, capacité contre confort, traumatisme contre inconfort, discussion, transmission, partage contre pédagogie, problématique contre violent et oppressif, légitimité contre en questionnement, radicalité contre rigidité, incompréhension contre division, agression contre conflit de vécu ou d'idées, drama contre impact profond. Pour en parler aussi autrement, je discute beaucoup avec une de mes plus proches, ayant écumé beaucoup de sphères militantes et regrettant cet enfermement progressif dans la lecture du tout oppressif. La politisation qui, d'abord nécessaire, devient méfiance générale. Arme à couper les cheveux en quatre, en faisant oublier qu'on peut fonctionner en être humain haine, se parler pour tenter de se comprendre, que sans en passer par tous les concepts théoriques, sans avoir tout le vocabulaire militant, il y a des choses aussi simples, et qui semble finalement assez intuitive, de qui veut juste faire du lien, en voulant le bien du soi et des autres. Par exemple, respecter l'autre et agir vis-à-vis de lui, comme on aimerait qu'il lui agisse vis-à-vis de nous. Écouter les avis même a priori loin des nôtres, car s'enfermer dans ses certitudes ne permettra pas de nous préserver éternellement de l'extérieur, et nous garantit plutôt de passer à côté des vérités autres que la nôtre. Et de reproduire à notre tour du pouvoir, de la domination, de la censure. Se remettre en question et demander pardon. Accepter que l'on change et que les autres aussi. Que la souffrance n'est pas la même ni vécue, affrontée ou évitée de la même manière par tout le monde. Et que ce que l'on lit a priori des privilèges ou oppressions des uns et des autres ne suffit pas non plus à tout expliquer pourquoi telle ou telle personne se renferme, disparaît, s'en va, se transforme. Qu'une fois dans un microcosme, parfois, certaines cartes sont rabattues, interéchangées, et que les dynamiques intrapersonnelles de groupe ont aussi leur lot de rapports de violence. Toutes ces choses qu'on peine à accepter, de recomplexifier, par fatigue et par peur. Peur de s'éloigner, de perdre de la radicalité, de reproduire des discours qu'on a combattus, et de donner ainsi du grain à moudre à ceux qui n'acceptaient pas les catégories, les identités. Qu'on a été obligé de délimiter pour s'affirmer et se réapproprier les stigmates. Oui, ces catégories, ces éléments d'identification, ce traçage de limites entre les différents vécus, privilégiés et moins privilégiés, victimes et productrices de violences systémiques sont nécessaires. Face à l'énorme manque d'écoute de la classe molle et dominante. Mais entre nous, nous devons nous efforcer de nous regarder avec davantage de complexité, de nous rappeler les handicaps invisibles, les phénomènes d'emprise et interpersonnels, les différences de capacité à mettre en mots, les entrecroisements chez des mêmes personnes, entre privilèges et vécus minorisés, que nous faisons tous de partie de ces systèmes, que les problèmes ne sont jamais qu'individuels, qu'on finira tous de par merder, mais qu'il importe de l'accepter et de vouloir toujours s'améliorer. Surtout, il me semble super important de ne pas oublier qu'entre nous, nous devons recomplexifier. Et pas faire l'économie de l'esprit critique, parce que les slogans généraux nous paraissent plus rassurants, que bien que cela puisse fatiguer si nous cessons ce travail, nous nous perdons. Et bien sûr, à côté de ça, nous pouvons fermer toutes les portes qui semblent demander trop d'efforts de compréhension, mais jusqu'où? Jusqu'à se retrouver à combien? Et alors comment compterons-nous changer les choses? Faire du lien, la porte close, en refusant de voir et écouter comment serons-nous sûrs que nous ne reproduisons pas à notre tour les discriminations, des souffrances? Il n'y a pas de modèle du bon être humain. Nous tâtonnons tous là-dedans, à tenter de nous comprendre. Mais c'est tout ce qui reste du monde des idées et des positions à tenir. S'il n'y a plus rien de l'ordre de l'humain, si nous restons persuadés que nous-mêmes nous n'avons pas évolué pour avoir de quoi affronter ce qui faisait avant nos vulnérabilités et oser sortir de nos cocons en tenant la main aux quelques personnes qui ont gagné notre confiance et nous veulent du bien, comment allons-nous tenir, nous transformer et inverser la donne? Car oui, la loyauté, l'amour avec un grand A, filial, amical, amoureux, ne peut pas suffire comme donné en soi, brut, brandi comme justification de tout accepter. Mais quand on se choisit vraiment un entourage pour ce que l'on partage, pour ce que l'on perçoit de fragile, beau, juste, bienveillant en l'autre, vigilant des dynamiques d'emprise, ce n'est pas la même confiance, car c'est une confiance qu'on a choisi de mettre, qui ne nous a pas été imposée sans aucune confiance, si on ne fait pas parfois le pari des êtres humains, incompléteux mais prêteux à nous accompagner, si on ne se risque pas là-dedans, nous condamnons un peu à ne nous voir que par ce qui nous a fragilisés et esquintés. Ceci n'est pas un appel à nier nos souffrances au nom d'une cause commune, comme cela a été tant de fois fait dans des mouvements politiques et militants, mais plutôt à réinvestir l'idée du cas par cas, la méfiance des généralisations et des analyses, voire des condamnations si vite tirées. Un appel à reconnecter à la manière dont enfants, ados, on cherchait déjà à avoir des positions justes avec les autres qui nous entouraient, sans pour autant avoir une armada de concepts à portée de main. Un appel à renouer avec ce langage et avec ce qui nous est vraiment essentiel contre ce qui nous est intolérable. Parce que dehors, ça continue à ne faire aucun cadeau, et que si l'on s'est retrouvé là, c'est qu'on avait peut-être aussi des vulnérabilités communes. Que peut-être ce qui nous semble désormais des montagnes, c'est surtout parce que ça fait des années qu'on s'essouffle, mais que ce ne sont pas forcément ces événements-là les causes de nos maux M-A-U-X. Et qu'au contraire, on peut peut-être en discuter, apprendre, s'apprendre à affronter ça ensemble, à être les alliés des uns une des autres. Parce que tôt ou tard, même en contrée du tout politique, la vie continue de s'égrener, que nos jours ne sont pas infinis ici et que peut-être on peut effectivement saisir la légèreté quand elle est possible. Car les ruptures, les deuils, les gros fracas vont venir de toute façon. Et la question est que peut-être certaines choses n'auraient pas la même importance dans ces contextes. Que peut-être ce qui comptera, c'est l'amour, la delphité, les moments partagés, la certitude d'être entouré. Une chose que j'apprends toujours peu à peu, c'est que j'aurais beau tout faire pour contrôler ma vie, pour m'investir au mieux et tout décortiquer, je n'aurai jamais l'omniscience nécessaire pour tout comprendre et de tout me préserver, pour que toutes mes actions soient absolument justes. Alors j'essaie péniblement d'apprendre à lâcher prise, à questionner ce que je fais vraiment pour moi, par obsession, ou pour le reste de ce qui m'entoure, pour changer les choses ou pour ce à quoi j'aspire. Et je pense que d'abord, pour transformer, devenir meilleur, faire au mieux, il faut effectivement la recette toute bête d'un peu d'espace de sérénité, et qu'au lieu de le combattre éthiquement comme privilège, ce bien-être non négociable peut être la seule porte d'entrée pour ensuite accueillir les autres problématiques extérieures. Que de toute façon notre société est fucking formatée par l'individualisme, duquel on se débat en vain, mais que individualisme et individualité ne sont pas synonymes. Et que de toute façon au final, oui, le seul corps qui vraiment se manifeste, la seule personne que je vois évoluer au plus près et du point A au point B, c'est le mien. Alors le changement, il doit d'abord venir d'eux et en moi, avant de se projeter sur tout le reste de ce que j'ai appelé un temps communauté, et qui n'est peut-être qu'un agencement de personnes culturellement proches et qui n'en fait pas les clés de se guérir et rendre justice directement. Mais quand l'outil politique nous manque, l'émotionnel, l'affectif, le lien relationnel, oui, pour aider à trouver des ancrages, des solutions, à ouvrir de nouvelles portes de compréhension. Écrire et militer pour une égale liberté, et cela passe par l'équité et l'équité par l'écoute. Et il y a des impasses, des erreurs, des embûches. Et il faudra recommencer, et il faudra réapprendre l'humilité, puis se ressentir légitime de parler là où l'on peut parler. Et parfois personne ne pourra parler, ou personne ne saura, ou trop en auront besoin en même temps, et personne ne sera personne pour dire qui a le plus droit, mais pas sûr que dire qui a le plus droit aidera. Et il ne s'agit pas de dire que la hiérarchie dans la souffrance n'existe pas, mais qui la met, et qui est-ce qu'on autorisera à la mettre ? Ne devenons-nous pas nos propres institutions de contrôle, hors sol? Remondelons, refaisons, collectivement. Une chose que j'ai appris, c'est qu'il me faut ranger mon frein quand même. Ne pas jaillir impulsivement pour régler tout ce qui me semble injuste. Et je pense que collectivement, nous nous aidons à ça. L'anarchie est un travail. L'anarchie, ce sont des constants retours à zéro, des rappels à l'ordre que l'on se fait entre nous et à soi, mais pas pour livrer en pâture au reste. L'anarchie, c'est accepter qu'on n'a pas toutes les clés. Toutes les vérités, qu'on s'est forcément gouré et qu'on continuera, mais qu'on est là pour des valeurs humaines dans lesquelles on croit. Quelqu'un à une disait « L'anarchie, c'est l'ordre moins l'autorité. » L'ordre ne pourra jamais être le même en tout lieu, en tout temps. L'absence de conflit ne fait pas partie de l'utopie. L'anarchie est la réelle démocratie. L'absence d'oppression est l'ennemi, et ça fait des siècles que ces armes, elles, les polissent. Alors serons-nous plus malignes pour ne pas retomber dans les mêmes spirales, nous perdre, perdre de vue l'essentiel en nous dissimulant derrière nos peurs. Oui, nous avons souffert. Oui, certains haïssent plus que d'autres, et il faudra toujours se battre, notamment soi-même, pour laisser la place à la parole des plus opprimés. Mais nous souhaitons désormais bâtir autre chose, et cela ne peut se faire sans encombre. Il va falloir regarder nos peurs bien en face, les déconstruire pour avancer, nous soutenir. L'anarchie n'est donnée à personne. Et pourtant, elle est partout, en chaque parcelle de nous qui aspire à respirer, à s'épanouir comme bon lui semble. Mais on a oublié le goût que ça a de marcher, hors des voies cloutées. Pour ne pas vivre seul, d'autres font des enfants qui sont seuls, comme tous les enfants. Pour ne pas vivre seul. Voilà, c'est tout pour ces premières pistes autour du comment faire communautaire. S'apporter du soin, de l'entraide et essayer de faire justice puisqu'on est obligé de faire ça dans nos communautés marginalisées. J'aimerais maintenant pouvoir mener des interviews avec les personnes le souhaitant qui ont un vécu notamment de neuroatypie, de troubles psy et à la croisée de problématiques militantes et queer notamment. Mais pas que, là je parle depuis ce que je connais. Donc n'hésitez pas à me faire signe. Et en attendant, je vais faire une petite pause parce que je suis en plein burn-out. Mais voilà, ces premiers épisodes étaient dans le but de donner une première approche, des premières pistes, afin d'amorcer des discussions collectives et communautaires. Je vous remercie et à très vite sur Au bord des corps. On vit pour son argent, ses rêves, ses palaces. Mais on n'a jamais fait un cercueil à deux places. Pour ne pas vivre seul, moi je vis avec toi. Je suis seul avec toi, tu es seul avec moi. Votre corps, c'est le seul endroit où vous êtes forcé de vivre. ¿Qué es la identidad de género de una persona? Exactamente, ¿cómo se siente? ¿Y qué, por quién sentís atracción sexual afectiva? ¿O por otras mujeres? ¿Ella deja de ser mujer por eso? Everybody, everybody, everybody.